Oui. Bonjour et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. En votre compagnie, un individu qui s'appelle François Gécouillard. Cette émission est dédiée à la bonne musique. Mon nom est toujours François Gécouillard. Et puis, vous allez voir que la définition de musique bonne est assez large. Quoique, on va commencer avec un groupe vraiment exceptionnel. Un groupe de jazz exclusivement féminin. C'est un orchestre. Ça va comprendre environ une vingtaine de filles. Et l'orchestre s'intitule Les Ingénues. Vous êtes à CKIA 88.3. Thank you. Hey, c'était quelque chose, ça. Les Ingénues. Un orchestre exclusivement féminin, tiré tout droit des années 20-30. Plus particulièrement, le groupe était... Les Ingénues étaient actifs entre 1925 et 1937. C'est un orchestre de jazz exclusivement féminin. Un orchestre de vaudeville. Et il performait comme ça dans les théâtres, dans les maisons d'image, ça c'est l'ancêtre des théâtres, et aussi les lieux où il y avait du vaudeville, quoi. Et en plus d'être d'excellentes musiciennes, chacune de ces filles-là maîtrisait plusieurs instruments. C'était des gens extrêmement doués, en plus dans leurs instruments. Ils avaient chacun la maîtrise de plusieurs instruments, dont chacune d'entre elles utilisait le banjo et l'accordéon. Et vous allez voir, si vous allez regarder sur Internet, sur YouTube, il y a une magnifique vidéo d'elle. Je vais le mettre d'ailleurs sur mon blog, jeunefou.blogspot.com. Et là, il y a vraiment tous les instruments. Il y a la harpe, tous les instruments avant possibles et imaginables. Le banjo, l'accordéon, le violon. C'est pas mal impressionnant. Donc, une vieillerie en attire une autre. On va écouter un gars qui s'appelle Tafnut, de son vrai nom, je crois, Billy Paradis. C'est du moins ce que j'ai vu sur l'affiche de la Bibliothèque nationale, l'endroit où j'ai loué cette musique-là. Donc, Tafnut, on va aller écouter ça, puis on va en parler plus précisément tout à l'heure. Vous êtes au Sac Aquatique Magique en votre compagnie, François Gécouillard. 88.3 sur votre cadran. Pour contacter avec moi, 529-9026, sinon Facebook. On recommence la ration de la viande, ça fait souffrir bien des bouches gourmandes. Le steak haché, le bœuf ou l'or salé, tout ça c'est rationné. C'est la ration de la viande, de la viande, de la viande. Donald dit à son vieux Séraphin, ménage ta viande à chien. Que mangera-t-on à la place de la viande? Y a plusieurs gens qui se posent cette demande. Trois quarts du monde prend des œufs dans le porteur. Ça va être beau tout à l'heure. C'est la ration de la viande, de la viande, de la viande. La grosse Alice dit toujours à Narcisse, ménage ta saucisse. On voit passer bien des scènes curieuses, des choses même qui paraissent douteuses. J'ai entendu d'un jeune couple en amour cet amusant discours. C'est la ration de la viande, de la viande, de la viande. La petite femme disait, mon cher Ticlet, ménage ton boudin. Un autre clou plongé dans la tendresse, cette fois un nègre avec une grosse négresse. Malgré qu'il soit submergé d'affection, il souffre de la ration. C'est la ration de la viande, de la viande, de la viande. La négresse dit à son beau cavalier, ménage ton bélonné. J'ai vu un couple âgé de 75. À cet âge-là, on a l'appétit mince. Malgré cela, j'attends dire le bon vieux avec les larmes aux yeux. C'est la ration de la viande, de la viande, de la viande. Ma vieille agit en bonne créature, ménage ta fortune. vieux garçon qui aimait le ragoût de pâte se met à tuer des chiens, des chats, des chattes. Encore hier, il a fait un ragoût avec un vieux marcou. Oh, c'est la ration de la viande, de la viande, de la viande. Son grand-père dit faut watcher l'animal, il peut manger mon joual. Si la chansonnette, mais en ses pas de longuin, il y a des recettes qui plairont aux jeunes gens. Joe dit t'embrassant Jeannette, mais en ses pas de longuin. La nièce d'une habitante embrassait son fils Jean. Elle avait peur que la tante le dise à sa maman. Quand elle entend dire la tante, mais en ses pas de longuin. Un nègre voit sa négresse, l'embrasse tout tremblant. Elle lui fit une caresse, y en est devenu blanc. Et dit que plein d'allégresse, mais en ses pas de longuin. Tipit t'aime bien sa blonde, il laboure d'argent. Elle lui demande, mère et monde, des bijoux, des diamants. Elle lui dit chaque seconde, mais en ses pas de longuin. Roméo et Juliette s'embrassent en chantant. La foule dit en cachette, mon doux, qu'ils sont charmants. Un homme crie à la vedette, mais en ses pas de longuin. La grosse Clémentine embrasse son cher Armand. Elle disait en sourdine, je t'embrasse-tu trop souvent? Et lui répond, non mon mine, mais en ses pas de longuin. La petite Églantine embrasse un beau cher Jean. Oh, mais quelle vitamine dans ce baiser brûlant. Ils disent les chants, les babines, mais en ses pas de longuin. Et la belle Alphonsine n'embrasse pas souvent. Mais elle a la combine pour qu'un bec dure longtemps. Son chum lui dit, t'es donc fine, mais en ses pas de longuin. Des hommes ont le caprice d'embrasser doucement, mais d'autres ont le vilain vice d'embrasser trop durement. La femme dit en sacrifice, mais en ses pas de longuin. Une femme jolie cause bien des tourments. Elle fait faire des folies à tous ses prétendants. Mais ils diront toute leur vie, mais en ses pas de longuin. Les extraterrestres n'ont pas de machine IBM. Parce que la machine IBM, sur le plan de la science cosmique, c'est une machine qui est très intéressante sur le plan de l'homme. Mais sur le plan cosmique, cette machine-là est trop limitée parce qu'elle doit être programmée. Et un cerveau électronique ne doit pas être programmé. Il doit se programmer seul. Mais pour qu'il se programme seul, il faut que l'information lui vienne d'une façon totalement intouchée par l'émotion de l'homme. Et ceci est fait par l'enregistrement constant de l'événement matériel dans la conscience éthérique. Vous avez su tout dernièrement que la ville a besoin d'argent, que la ville a besoin d'argent. Corinne prend des exercices pour entrer dans la police. Elle a la grandeur et la pesanteur. Jamais on a vu des femmes polices en notre ville. Jamais on a vu ce qu'on va voir dans le bas de la ville. Thank you. Ces cornes attrapent un bandit, ces cornes attrapent un bandit. Il va se faire brasser les ouïes, il va se faire brasser les ouïes. Corinne est toute une charpente, faut ôter quand elle se plante. S'il sort son fusil, il est un homme fini. Jamais il aura vu une police aussi troublante. Jamais il aura vu comment une femme est surprenante. Si Corinne approche un homme chaud, si Corinne approche un homme chaud, il va se faire brasser le coco, il va se faire brasser le coco. Corinne est toute une athlète, puis quand elle donne une jambette, elle lui frotte le bloc et lui crie wake up. Jamais il aura vu une police qui se démène, jamais il aura vu autant se faire brasser le système. Si Corinne arrête un sans-cœur, si Corinne arrête un sans-cœur, elle va lui donner ça de rigueur, elle va lui donner ça de rigueur. S'il s'amuse à battre sa femme, elle va lui rabattre la rame, elle lui fera un job, il y aura plus de microbes. Jamais il aura vu une police aussi sévère, jamais il aura vu se faire embrasser les affaires. Si Corinne accroche un petit mac, si Corinne accroche un petit mac, ça va être beau dans le fond du sac, ça va être beau dans le fond du sac. Corinne peut faire face aux hommes, elle y va sur le temps des pommes, elle va le brosser dans un air d'aller. Jamais il aura vu une police aussi ardente, jamais il aura vu quand femme dit qu'il faut que ça rentre. Et oui, Tafnut, et là, là, là, c'était spécial, ça. On a entendu la pièce, Corinne dans la police, Maison, c'est pas de Longan, et la ration de la viande. C'est qui, ça, Tafnut, alias Billy Paradis? Eh bien, apparemment, c'est un gars qui chantait dans les années 30, au Québec. Et vous avez remarqué que c'est un peu sur, d'ailleurs, l'air traditionnel habituel... Des chants québécois. Mais Tafnut, pas beaucoup d'informations sur lui. C'est MC Gilles qui m'a fait découvrir ça à un moment donné quand il avait fait jouer la pièce Hitler est mort. Il y a aussi une autre pièce qu'il a faite qui s'appelle Le Japon ne jappera plus. Et c'est disponible d'ailleurs sur l'album de MC Gilles, son dernier album qui vient de sortir, Les Grands Succès. Tafnut, ça va attirer mon attention parce que il y a certaines des pièces qui sont borderline racistes. Là. Tout à l'heure, dans la chanson La ration de la viande, la maison c'est pas de Longan, il disait. Il parlait de nègre qui devient blanc. Et la pièce, le Japon ne jappera plus aussi. Il y a comme un. Il se moque des Japonais. Corinne dans la police, tu vois, il est très macho dans le sens que, bon, c'est les années 30, probablement qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la police. Puis là, il dit, bon, c'est ridicule, tu sais, il se moque un peu des femmes dans la police. Alors, c'est quand même quelque chose, c'est représentatif d'une autre époque. Tafnut, T-A-F-F-N-U-T. J'ai pogné ça à la bibliothèque. La bibliothèque nationale. Ça, la bibliothèque nationale, c'est un peu comme la bibliothèque Gabriel Leroy. Sauf que tu rentres là, c'est juste des petits vieux. Puis ils font tous des recherches sur leur généalogie. Puis, je sais pas, moi, l'architecture en 202. C'est pour faire de la recherche, tu sais. Puis, c'est ça. On trouve des toutes sortes de choses, dont des documents audiovisuels. Et là, il y a un monsieur à Montréal qui m'a gravé, qui a vraiment pris un vinyle de Tafnut, qui l'a mis sur sa table tournante et il l'a gravé sur un CD. C'est-tu pas extraordinaire? Et c'est gratuit. Ah là là là là, j'ai remercié ça, les bibliothèques. Service public gratuit. Et là, on va se diriger vers un bloc sélection musicale de Felipe, mon ami Felipe, qui est en train de m'écouter. Alors, il y a eu des problèmes avec la police tout à l'heure. Il s'est fait, imaginez-vous donc, il s'est fait reconduire à l'extérieur de la ville. La police l'a reconduit au terminus, pas au terminus, mais au parc du quartier des Saules. Et puis, ils l'ont laissé là. Alors, il m'a dit, peux-tu faire jouer la toune I Hate Cop Car d'Exploited? Alors, j'ai dit, bien sûr, certainement. D'ailleurs, c'était un peu la vocation de cette émission, le Cirque Aquatique Magique, d'avoir des blocs de musique cohérents entre eux. Vous êtes avec François Gécouillard, 529-90-26. Solidarité avec toutes les punks! Morissette, là, je sais pas qu'est-ce qui arrive, là, police municipale de Québec, là, me fait répondre, moi, l'enquête se poursuit, j'ai besoin de ça comme une poule a besoin des dents. Fait que c'est pour ça que des fois, on n'appelle pas, c'est pour ça que c'est toujours la même réponse, l'enquête se poursuit. Mais maintenant, Mme Thibault, vous avez été, d'une certaine façon, crucifié sa place publique. Comment est-ce que vous vivez ça, vous et votre entourage? Alors, écoutez, ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est de penser à tes enfants, tes petits-enfants, puis penser aux gens qui ont cru en toi et qui se disent, eh bien, on s'est trompé. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Jean partant sur une folie, sur mon là. Opinion, tu sais. Tu sais, amener les Kodak dans tes cochonneries. Voyons donc. Voyons donc, Colin. Bon, si c'est ça de la télévision, on le passera. On vient d'entendre un bloc dédié à tous les punks de Québec qui ont de la misère avec la police. Et plus particulièrement pour mon ami Philippe. Et voilà, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Fais-toi-en pas, mon gars. Le peuple uni, jamais ne sera vaincu. Cette pièce-là a été interprétée par Inti Illimani, c'est un groupe bolivien. Par contre, la pièce a été composée au Chili. Ça fait partie de la nouvelle chanson chiléenne. Elle a été composée par Sergio Ortega. Le texte est de Kia Payun et elle a été composée en 73. Et c'était originalement un hymne pour le gouvernement d'unité populaire, le gouvernement de Salvador Allende, qui, comme tout le monde le sait, a été victime d'un coup d'État et a été remplacé par Pinochet, avec l'appui évidemment des États-Unis. Et juste avant, on a entendu deux pièces comme ça. Deux pièces punk. Une pièce de Rancid qui s'appelle Dope Sick Girl. Et la première était I Hate Cop Car. De qui donc? Des exploitables, bien sûr. Bon, ben on va retourner vers quelque chose de peut-être un peu curieux. Ça va être un spécial folie. En fait, c'est un spécial crazy. Vous connaissez peut-être la pièce Crazy. Attendez un peu, je vais essayer. François Gécouillard va essayer de vous interpréter une pièce de Crazy, un extrait. Crazy. Crazy. For feeling so lonely. Alors, ça va être trois fois la même pièce interprétée de trois façons très différentes. Vous allez voir, c'est quelque chose. On commence avec une voix absolument extraordinaire, celle de Patsy Cline et sa version de Crazy. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique à Sequoia 88.3. Compris de la région de Sherbrooke, de Rock Forest, revient en cours à Sherbrooke. On saura s'il est apte, oui ou non, à faire face à la justice. On saura s'il est apte, oui ou non, à faire face à la justice. Oh, comme on dit entre nous autres, dans les 3X. Fantastique. So lonely, I am crazy start thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Dans un état de suspect où effectivement on risque quand même de plus en plus de se faire contrôler, on risque de plus en plus, c'est pas qu'on risque, on est déjà tous quasiment dans un fichier, à tort ou à raison, et c'est cette politique globale, je veux dire, de la peur et de la suspicion qu'on vit tous. Enfin, moi j'habite près de la mutualité, samedi dernier vous aviez des policiers partout, et moi je devant le trottoir vide, je demande à un CRS est-ce que j'ai le droit de marcher ? Et il m'a répondu oui, mais doucement. Et moi, je, comme tout le monde, je veux dire, je me sens suspect. Quand je vois un policier, maintenant, quand je vois 15 quarts de CRS dans la rue, ce qui est quand même relativement fréquent, je ne cours plus, je marche doucement. Voilà. You want to sing a song with Mother Crowley? Well, I never have. Well, you can, listen. Yeah, it'd be a good time to start right now. First time my guitar's nice, been played. I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. Crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? And I'm crazy for thinking that my love could hold you. Crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Bon, vous êtes à l'intérieur du cercle aquatique magique. Bonjour! Ici François Jacouillard. Vous avez entendu trois versions de la même pièce. Crazy! La dernière était de Johnny Cash et Willie Nelson. Il donnait une version bien particulière de cette pièce-là. Juste avant, c'était une illustre inconnue qui s'appelle Anne Lever. Et la première, c'était l'original, en quelque sorte. C'est probablement pas la meilleure interprétation de tous les temps, mais c'était celle de Patsy Cline. Patsy Cline. Puis d'ailleurs, c'était la même pièce. Le fond musical était le même dans les deux premières. C'était juste l'interprétation qui variait grandement. Laquelle était la meilleure? C'est quand même une bonne question. Si vous avez beaucoup ri en écoutant celle de Anne Lever, ça veut peut-être dire que c'est celle-là la meilleure. Parce que la musique, c'est faut que ça nous fasse réagir. Bon, pas grand-chose à dire sur ce bloc-là. Peut-être juste pour rappeler que Patti Cline, elle avait une voix extraordinaire, elle faisait du country, elle faisait différents styles de musique. Et elle a trouvé Jésus un jour. Je pense qu'elle avait de la misère dans la vie. Elle a trouvé Jésus et elle a fait une chanson absolument extraordinaire. Et je vous la passerai un jour sur Jésus. Ben comme vous le savez, c'est qu'il a fait le mauvais coton. Alors, la station est en crise, il n'y a plus d'argent, plus d'employés. Et on a besoin de la mobilisation des membres pour sauver la station. C'est qu'il a ses 25 ans de radio, actrice et témoin de la culture, de l'actualité et des luttes populaires. C'est 150 voix alternatives qui vous entretiennent chaque semaine de toutes sortes de sujets, vraiment variés. C'est une station qui est ancrée dans son quartier. Et on vous invite à acheter une carte de membre. Vous pouvez le faire de trois façons. Sur Internet, c'est coyofm.org, par téléphone au 529-9026 sur les heures de bureau ou en passant directement au bureau au 600 Côte d'Abraham. Et la situation est urgente, alors il faut acheter vite, vite, vite. D'ailleurs, on va écouter une pièce de Réal Leblanc en hommage aux radios communautaires. C'est une pièce qui avait été faite là en hommage d'une radio communautaire de l'Acadie. Vous êtes à CKIA 88.3. C'est bien, OK. Cette prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai composée, que j'ai mise sur mon dernier album. Une chanson que j'ai composée pour les radios communautaires, parce que sans les radios, nous autres, on n'existe pas. C'est ça qui est nos clés. C'est bon, c'est ça. Radio communautaire. Bon, ben là, je tends la main sur eux et puis je leur dis que je les aime en double. Ça veut dire qu'à ce moment-là, notre Père Créateur envoie de l'amour dans le cœur, mm-hmm. et Jésus envoie de l'amour aussi, et je transmets l'amour double. Bonjour, mesdames, messieurs, on va s'amuser au bon salon, soirée de variété. Il y a du plaisir à voir. On veut bien croire que le poivre de Cayenne est une arme, mais c'est un beau moyen de défense quand on rencontre un chien et on est à vélo dans un rang, je peux vous le dire. Oui, vous en êtes servi souvent, déjà? Souvent. Moi, je trouve que c'est une arme qui n'est pas trop dangereuse, qui c'est vrai, mais qui donne une leçon, en tout cas. plus que quelques minutes avant la fin du Cirque Aquatique Magique. Et oui, c'est déjà la fin. On vient d'entendre Les Cabochons et la pièce Coconut. Les Cabochons, c'est un groupe que je connais pas beaucoup, mais Marcia Bélanger en fait partie. Donc, c'est un groupe qui a des bons musiciens dedans. Et juste avant, on a entendu une pièce que j'ai intitulée « Bonsoir, mesdames, messieurs ». Et là, là. Et juste avant, c'était Réal Leblanc, les radios communautaires. Réal Leblanc qui nous expliquait comme ça, au début de la pièce, que les radios communautaires, c'est nos clés, parce qu'on est invisibles. Bon, ce qu'il voulait dire, c'est qu'évidemment, les radios commerciales traditionnelles, ils passent jamais la musique de Réal Leblanc en particulier, mais la musique de un peu tous les artistes qui sont pas, entre parenthèses, dans l'industrie. Et puis, fait que c'est la radio communautaire qui doit prendre ce mandat-là de faire jouer ces groupes-là. Réal Leblanc qui demeure à Bouctouche, Nouveau-Brunswick. Il est né d'une famille de 5 enfants et il est le seul de la famille qui joue de la musique. C'est extraordinaire et merveilleux. Et d'ailleurs, son album est sorti en 2008, s'intitule « À le camp à Willy ». Eh boy, c'est pas toujours facile de comprendre l'acadien. Et puis quoi d'autre dire? La pièce, le bonsoir, mesdames, messieurs, qui avait l'air d'être un peu, comment je pourrais dire, de la musique de centre d'achat sur l'acide, là. Je pense que c'est une pièce que j'avais enregistrée en écoutant l'extraordinaire radio CIHW, la radio de Wendake. Il passe des tunes absolument extraordinaires là-dessus, qui passent pas ailleurs. La musique country, CIHW. Une belle radio qui est bel et bien vivante et existante sur la bande FM. La musique country. Comment je pourrais décrire ça? La musique, la bonne musique country, mettons. OK. Bureau d'exploration aléatoire. Comme à chaque semaine, je prends un vinyle au hasard dans le studio. Et cette fois-ci, le vinyle, c'est assez curieux. C'est comme... il y a comme une... Sur la pochette, il y a un paquet de papillons qui sont dessinés. Peut-être une dizaine de sortes de papillons différents avec des couleurs différentes. Il est marqué... La seule indication, il est marqué en haut à gauche « Talk, talk ». Et en bas, il est marqué « The color of spring ». Mon petit doigt m'a dit que c'est peut-être de la musique expérimentale. Écoutez, j'en ai aucune idée. Je découvre ça en même temps que vous, hein. C'est ça la magie du Cirque Aquatique Magique. Et l'album est tout... sinon, il est tout beige. Oh là là. Et la première pièce, c'est Happiness is Easy. C'est un bon beat. Jusqu'à date. J'espère que c'est pas juste instrumental. Oui. Quoi d'autre? Curieusement, ce n'est plus en mono, les vinyles. Plus en mono. Oh! Oh, je crois que c'est du jazz. Yeah. deux cafés. Ah, okay, c'est deux cafés, ouais, deux grammes. Okay. Deux roues de tracteur. Ouais, je suis vraiment un nerd. Définitivement, je me cacherai pas, là, je suis vraiment un nerd. Ben, vous l'assumez? Absolument. Absolument, puis j'en suis fier d'être un nerd. Voulez-vous que je fasse jouer de la musique? Mais du rock, man, tu sais, du gros rock, tu sais, du heavy rock. C'est ce qu'on fait au Cirque Aquatique Magique. L'album s'intitule The Color of Spring. There's been a big change in the music field in the last 10 or 12 years. You like that, huh? And I think everything's improved. The sounds have improved, and the musicians have improved, the engineers have certainly improved. I like a lot of the new groups, you know, the Beatles and the Beards and the whoever. But I really like a lot of the new music. But a lot of it is basically, our music is basically, rock and roll music is basically gospel or rhythm and blues. And it sprang from that. Mix François G. Scène de guerre civile à La Paz. Un soldat bolivien tire à balles réelles sur des manifestants en plein centre de la capitale. France 3. D'autres militaires pourchassent des protestataires avant de les viser à bout portant avec des grenades lacrymogènes. 13 octobre 2003. L'armée et la police bolivienne utilisent les grands moyens pour réprimer les manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Le gouvernement reconnaît 7 morts, mais pour l'église et les syndicats, il y a plus de 30 victimes et une centaine de blessés. À l'origine de ces manifestations, la politique économique du président et en particulier un décret du gouvernement autorisant l'exportation de gaz naturel vers le Chili à des conditions qui s'apparentent à du bradage pour les syndicats. Evo Morales. Si le gouvernement ne peut pas réviser les contrats conclus avec les multinationales pétrolières, le mieux est qu'il s'en aille. Le mouvement de protestation a commencé ici à El Alto, une banlieue populaire de la capitale bolivienne. Je pense qu'on se dirige vers la fin. Et oui, c'était le Cirque Aquatique Magique. J'espère que vous avez eu autant de jouissance que moi à faire cette émission et à l'écouter. Bon, ben c'est ça, c'est ça qui va finir la fin de cette émission. C'était François Gécouillard. Écoutez le reste de cette émission. Réécoutez-la à l'envers. Réécoutez toutes les émissions précédentes. Sur jeunefou.blogspot.com. Sinon, on se dit, ben, coudon, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Tendez l'oreille, on parle de vous. C'est-tu le slogan de CKIM? D'ailleurs, faut absolument qu'on prenne notre carte de membre pour soutenir la radio CKIA, sinon on n'entendra plus parler de nous. Achetez en ligne sur ckiafm.org ou en passant sur place au 600 Côte d'Abraham sur les heures de bureau ou par téléphone au 88 529 9026. Vous possédez un commerce et désirez en faire la promotion? Votre organisme planifie un événement et vous recherchez des bénévoles?